Voilà donc pour la musique du film Requiem for a Dream. Allez, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 7 janvier 1956, naissance de David Caruso, comédien américain, vu dans les séries New York Police Blues, Michael Hayes, mais bien sûr, surtout connu pour son rôle d'Horatio Caine dans la série Les Experts Miami. 1959, naissance de Marie Desplechin, écrivaine française. 1963, naissance de Clint Mansell, compositeur britannique. 1964, naissance de Nicolas Cage, acteur américain, vu dans Cotton Club, Sailor et Lula dans le rôle de Sailor Ripley, Leaving Las Vegas dans le rôle de Ben Sanderson, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur, Volteface dans le rôle de Castor Troy et Sean Archer, La Cité des Anges, 60 secondes chrono, Benjamin Gates et le trésor des Templiers, Benjamin Gates et le livre des secrets dans le rôle de Benjamin Gates, Ghost Rider 1 et 2 dans le rôle de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, Prédiction, L'apprenti sorcier, Le dernier des Templiers ou encore Le Chaos. C'est également l'année de naissance de Christian Louboutin, styliste français, créateur de chaussures et de sacs à main de luxe. 1971, naissance de Jeremy Renner, acteur américain vu dans SWAT, Unité d'élite, dans le rôle de Brian Gumble, Mission Impossible, Protocole Fantôme et Mission Impossible Rogue Nation, dans le rôle de William Brandt, Jason Bourne, L'héritage, dans les rôles d'Aaron Cross, alias Kenneth James Kitsum, Ansel et Gretel, Witch Hunters dans le rôle d'Ansel, mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour son rôle de Clint Barton, alias Hawkeye, dans Thor, Avengers, Captain America, le soldat de l'hiver, Avengers, l'ère d'Ultron, Captain America, Civil War, ou encore Avengers, Endgame. 1985, naissance de Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 britannique, sextuple champion du monde de F1 en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 et recordman du nombre de pole positions, 250 courses, 151 podiums, 84 victoires. 1987, naissance de Litsi Fonseca, actrice et mannequin américaine vue dans Kick-Ass 1 et 2 dans le rôle de Cathy Doxma, la série télé Les Feux de l'amour dans le rôle de Colleen Carlton, How I Met Your Mother dans le rôle de Penny Mosby ou encore Desperate Housewives dans le rôle de Dylan Meffer. 1988, naissance d'Hardwell, DJ hollandais. 1989, naissance de John Degenkolb, cycliste sur route allemand qui a remporté le Paris-Roubaix 2015, le Milan-San Remo 2015, le classement par points du Tour d'Espagne en 2014 et 12 étapes de Grand Tour, une sur le Tour de France, une sur le Tour d'Italie et 10 sur le Tour d'Espagne. 1991, naissance de Clément Grenier, footballeur français professionnel depuis 2009, ayant joué à Lyon, à l'AS Rome, Guingamp et depuis 2018, il joue au Stade Rennais. Et on termine avec la naissance d'Eden Hazard, lui aussi né en 1991, footballeur belge, qui de 2007 à 2012 a joué à Lille, de 2012 à 2019 à Chelsea et depuis cette saison, il joue au Real Madrid. Allez, tout de suite, on s'écoute Hardwell avec le titre Apollo. Hardwell avec le titre Apollo en featuring avec Amba Shepherd sur le 107 FM. Presque 8h44, on parle météo. La météo. Ce sera une journée nuageuse avec quelques averses de pluie à prévoir. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera de la pluie. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés prévues pour demain après-midi. Jeudi sera une journée nuageuse. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le football et la Coupe de France. C'est Metz qui s'est incliné à Rouen sur le score de 3-0. Rouen évoluant en N2, a battu Metz donc évoluant en Ligue 1. Le tirage au sort du prochain tour de la Coupe de France a eu lieu hier soir. On connaît le prochain adversaire du SAS Épinal. Épinal recevra le club de l'île de la Réunion JSP Saint-Pierroise évoluant en Régional 1, tombeur de Thaon-les-Vosges ou de Niort au tour dernier. Donc voilà un gros match qui attend nos spinaliens. Un mot de tennis maintenant avec tout d'abord l'ATP Cup et la France qui s'est inclinée 2-1 face à la Serbie. La victoire de Benoît Paire avait bien lancé la France, mais Gaël Monfils n'a rien pu faire face à un Novak Djokovic en grande forme. Il l'a montré dans le simple face à Monfils et également dans le double associé à Troïki. Il a battu la paire Mahut Roger Vasselin en 3-7. Rien n'est perdu pour les Français. Pour les quarts de finale, il faudra absolument battre l'Afrique du Sud demain et espérer être dans les deux meilleurs deuxièmes. Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué, mais on va s'y faire. Hein. Allez, tennis toujours avec, tout d'abord côté féminin aujourd'hui, la qualification à Auckland d'Alizé Cornet en 3-7 face à Bonaventure, 4-6, 7-5, 6-3. À Doha, hier, Jérémy Chardy s'est imposé en 3-7 face à son compatriote Barrère, 6-3, 3-6, 6-3. Manarino s'est incliné en 2-7 face à Bublik, 6-3, 6-4. Et Moutet s'est imposé en 2-7 face à Sandgren, 7-6 et 6-4. Aujourd'hui, Jérémy Chardy devra affronter Stan Wawrinka et Pierre-Hugues Herbert, que je cherchais en duo avec Nicolas Mahut à la TP Cup. Eh bien non, il joue en simple à Doha. Il affrontera aujourd'hui l'Italien Cecchinato. Un mot de volley maintenant avec le tournoi de qualification olympique et la France qui s'est inclinée 3-7 à 2 hier face à la Bulgarie. Pour nos Français, rien n'est perdu là non plus. Il faudra battre les Pays-Bas. Eh bien, ce sera demain également. Un mot de hockey sur glace avec le mondial D1A, c'est du hockey féminin et les Bleuettes qui se sont imposées 2-1 face à l'Italie. Un mot de basket maintenant, Pro B, on a appris hier que Christian Monchaud n'était plus l'entraîneur du SLUC Nancy, décision prise par le directoire, on n'en sait pas plus. Les résultats de la NBA, l'équipe de Charlotte s'est inclinée face à l'équipe d'Indiana, Nicolas Batum n'a pas joué. L'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, s'est imposé 101-89 face à l'équipe de Brooklyn de Luau Cabarro. 11 points pour Evan Fournier, 9 points pour Luau Cabarro. Il y avait un autre duel franco-français entre l'équipe de Washington de Miami et l'équipe de Boston de Poirier. C'est Washington qui s'est imposé 99-94. 4 points et 8 rebonds pour Miami avec Washington. Et pour Poirier à Boston, il n'a pas joué puisqu'en ce moment il est blessé au doigt. Et on termine avec la victoire de l'Utah Jazz à la Nouvelle-Orléans, 126-128, 9 points et 19 rebonds pour Rudy Gobert. Et on termine cette actualité sportive avec du biathlon, on va parler d'Oberhof. Le début des épreuves, ce sera jeudi avec le sprint féminin. Aucun changement dans les équipes de France, que ce soit masculine ou féminine. Depuis le début de la saison, il n'y a eu donc aucun changement opéré. en équipe de France, que ce soit côté messieurs ou côté féminin. Ça montre bien que ça va ainsi. Et le classement d'ailleurs nous le prouve, et les performances également. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale en rendant hommage à France Gall. Elle disparaissait il y a 2 ans, jour pour jour, et on s'écoute le titre « Résiste ». Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Résiste, France Gall sur RGM, un peu plus de 8h52, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À midi, ce sera la bulle de l'IA qui fait son grand retour, consacré à ma nature. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec l'IA. 18h30, Kaizen. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, Jimmy, je vous le lis. Et 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.